Un an de pandémie, un an où l'on entend dire que la réalité a rattrapé la fiction, que le réel est devenu dystopique, que se succèdent devant les micros et les caméras virologues, infectiologues, épidémiologistes, immunologues et j'en passe. Mais depuis un an, il y a pourtant une catégorie de personnes qui avaient non pas prévu, mais envisagé l'effondrement des systèmes de santé, la diffusion d'un virus nouveau à l'échelle planétaire, la désorganisation sociale, économique et culturelle qu'une pandémie mondiale fait planer sur nos sociétés. Et ces personnes-là, on les a très peu entendues jusqu'à aujourd'hui. Écoutons donc ce que la science-fiction a à nous dire de la crise sanitaire que nous traversons. Demain la santé, soignez-vous à la SF, c'est le programme pas très en forme qu'il note pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'avenir de la santé, de la médecine, de notre rapport à la maladie, pour se projeter dans ce futur où on ne va pas se mentir, en général, les choses ne sont pas très très bien passées. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Stuart Calvo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de collection aux éditions La Volte, coordinatrice de l'ouvrage collectif Demain, la santé, dont il va être question dans cette émission. Bonjour Norbert Merjanian. Bonjour Nicolas. Bienvenue à nouveau. Vous êtes écrivain, scénariste, contributeur donc à cet ouvrage collectif et nous sommes en ligne avec Léo Coutelec. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes philosophe des sciences, maître de conférences en épistémologie et éthique des sciences contemporaines à Paris-Saclay, co-auteur de Le futur de la santé pour une éthique de l'anticipation. C'est aux éditions Maison des sciences de l'homme. Il en sera également question dans cette émission. Mais avant cela, on fait le tour de l'actualité scientifique de la semaine avec elle tant qu'elle va bien. Enfin, ça va, Natacha ? Oui, tout va bien. Bon, alors c'est le journal des sciences. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature. Les toutes premières réponses immunitaires d'un embryon ont été filmées. Oui, une équipe franco-espagnole a capturé ces images en time-lapse. Elles montrent des embryons en développement de poissons zèbres et de souris. Les cellules épithéliales, qui forment collectivement le premier tissu à la surface d'un embryon, peuvent éliminer les cellules mourantes ou défectueuses, un peu comme des éboueurs, ce qui augmente ainsi la chance de survie de l'embryon. L'épithélium embryonnaire, les tout premiers tissus, ne sont donc pas sans défense et possèdent une réponse immunitaire innée, et ce, même avant le développement d'organes ou de cellules immunitaires spécialisées. Dès les premiers stades de l'embryogenèse, les épithéliums sont des capteurs efficaces des cellules mourantes. On se doutait de l'existence de cette phagocytose épithéliale, mais c'est la première fois qu'on observe ce mécanisme en action chez des vertébrés. Selon les auteurs de ce papier, les résultats peuvent aider la recherche contre l'infertilité ou contre les fausses couches précoces. En bref, selon une étude parue dans PNAS, avec le changement climatique, les allergies saisonnières se prolongent. On savait déjà que les concentrations de pollen dans l'atmosphère sont liées à la température. Des chercheurs américains ont analysé 30 années de données issues des stations de comptage de pollen aux États-Unis de 1990 à 2018. Ils les ont comparées aux observations climatiques de cette même période. En 30 ans, les concentrations de pollen ont en moyenne augmenté de 21%. Les saisons polléniques durent aussi plus longtemps et les concentrations de pollen sont plus fortes là où les températures ont augmenté rapidement. Le changement climatique a donc déjà un impact sur notre santé respiratoire. Nous n'avons pas fini d'éternuer et d'avoir les yeux qui piquent au printemps. Encore quelques semaines avant que ça arrive. Chouette, chouette, chouette. Allez, dans le journal des sciences cette semaine, il a été question de la découverte d'un instrument de musique vieux de 18 000 ans, d'investir dès aujourd'hui dans la recherche pour contrer les épidémies de demain, du variant sud-africain et de la course des laboratoires pour réactualiser leur vaccin, et du mensonge qui peut s'entendre au simple son d'une voix, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha et en ultra bref. En seulement 10 ans, la plus grande population de rhinocéros a chuté de 70%. En Afrique du Sud, dans la réserve du parc Kruger, le braconnage et la sécheresse font des ravages. En 2010, ils étaient 10 000. Aujourd'hui, ils sont moins de 4 000. Il ne resterait plus que 18 000 rhinocéros partout dans le monde. Cette semaine, grâce à une grande analyse génomique de plus de 6 000 amérindiens, on découvre une série de gènes qui déterminent les traits d'un visage, tels que le nez, la mâchoire, les sourcils. Par exemple, VPS 13B, influence la pointe du nez, et surtout TBX15, un gène qui détermine l'épaisseur des lèvres. Ce gène, les populations d'Amérique latine l'ont hérité des Denisoviens, une espèce humaine éteinte. Et enfin, le génome du Célaconte a été séquencé. On pensait que ce grand poisson préhistorique, vieux de 65 millions d'années, était un fossile vivant. Que nenni ! Même s'il ressemble beaucoup aux fossiles de la période du Crétacé, son ADN a subi une subtile évolution et a acquis 62 nouveaux gènes il y a 10 millions d'années. Dans un instant, vendredi science-fiction, on parlera du rapport, des rapports plutôt entre la science-fiction et la santé. Mais avant ça, on continue, ou on ouvre plutôt la page de la science-fiction avec le journal de la SF. Et on commence avec une étude parue dans la revue PNAS à nouveau, une étude qui prouve qu'une intelligence artificielle peut influencer notre comportement. Une intelligence artificielle peut désormais apprendre à nous manipuler et à influencer nos prises de décision en sa faveur, comme n'importe quel arnaqueur. Alors ce ne sont que des résultats préliminaires et plutôt limités, mais des chercheurs australiens ont mené plusieurs expériences avec une IA. Des participants devaient jouer à un jeu d'argent contre un réseau de neurones récurrents d'apprentissage par renforcement profond. Dans une expérience, par exemple, le participant devait cocher des cases de couleurs pour gagner de l'argent. Dans une autre expérience, il fallait cliquer sur un bouton seulement quand un symbole en particulier apparaissait et ne pas le faire devant d'autres symboles. L'IA a alors organisé la séquence des symboles pour que les participants fassent le plus d'erreurs possible. La machine a appris des réponses des participants pour les guider vers des choix spécifiques. Ces premiers résultats montrent que les machines peuvent apprendre à orienter nos choix grâce à nos interactions avec elles. En bref, l'armée russe développe une armure capable d'arrêter des balles de gros calibre. Et le gouvernement russe a déclaré améliorer ses actuelles armures de combat, les Ratnik, ou guerriers en français, pour une quatrième génération, les futures armures Sotnik, ou Centurion. Des blindages légers, bien plus performants, conçus avec des fibres de polyéthylène léger. Ce revêtement devrait résister à un tir de mitrailleuse lourde. Ces futurs systèmes de combat d'infanterie n'ont pas encore de date de sortie. En Corée du Sud, une intelligence artificielle a reconstitué la voix d'un chanteur mort depuis 25 ans. Et 25 ans après sa mort, on a entendu le chanteur Kim Kwang-seok, une rockstar coréenne, interpréter une nouvelle reprise de l'un de ses tubes. C'était sur la chaîne sud-coréenne CBS pour l'émission IA versus humain, la compétition du siècle. Pour ce concours télévisuel, la société technologique Superstone a créé un système d'IA vocal. L'algorithme a été entraîné avec plus de 700 chansons coréennes, dont 20 titres du chanteur. Et après avoir obtenu l'autorisation de la famille du défunt, l'IA a donc imité et ressuscité son timbre et ses vocalises. Apparemment, cette voix de synthèse serait très proche de l'original. Un imposant dictionnaire de la science-fiction va être disponible en ligne. Oui, c'est le projet d'envergure mené par Jesse Shadlower, lexicographe américain et ancien rédacteur en chef de l'Oxford English Dictionary. Alors pour les anglophones, son dictionnaire historique de la science-fiction est déjà en ligne, c'est accessible gratuitement. On y trouve environ 1800 entrées pour explorer tout l'univers lexicographique du genre avec des définitions de néologismes et leurs dates d'apparition. On découvre par exemple que les mots comme graviton, biotechnicien ou base lunaire sont d'abord apparus dans les œuvres de science-fiction avant de rejoindre le langage courant. Isaac Asimov est l'un des auteurs qui a le plus nourri ce dictionnaire. Et on conclut, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable. Aujourd'hui, eh bien, c'est en fouillant dans les archives de la Bibliothèque nationale de médecine américaine que l'on découvre que la tronçonneuse n'a pas été exactement inventée pour débiter des arbres. Non, au départ, la tronçonneuse n'a pas été inventée pour couper du bois. Au XVIIIe siècle, les césariennes étaient très très rares, mais en 1783, deux chirurgiens écossais ont eu l'idée d'inventer une tronçonneuse pour laine, pour opérer plus rapidement et plus efficacement pendant les accouchements. Alors que la première tronçonneuse au monde est donc une scie flexible montée sur une chaîne et qui s'actionne avec une manivelle. Les docteurs devaient donc l'activer manuellement. Par la suite, elle a été mécanisée et ce n'est qu'en 1905 qu'on a pensé à l'utiliser pour les arbres. Voilà, vous ne regarderez plus jamais une tronçonneuse de la même façon. Et surtout, on n'essaye pas de renverser l'usage aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et l'image est assez saisissante. On vous la poste sur le fil Twitter, ça laisse songeur. Merci beaucoup Natacha, on vous souhaite un bon week-end éloigné des arbres et on vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. « Parmi les visions du futur de la médecine, il y a le classique cyberpunk où les plus riches s'augmentent et remplacent leurs organes défectueux par des organes cybernétiques. Il y a la fissure devenue béante entre les populations pauvres sans assurance, incapables de payer pour leurs soins, et les ultra-riches qui accèdent à la vie quasi éternelle dans leur tour d'ivoire à force de technologies de pointe. Il y a également le vaccin universel, l'abolition de la maladie. Mais à quel prix et à quel coût en matière de liberté et de surveillance? Bref, généralement, il y a de grosses corporations, Big Pharma version très méchante, et l'être humain qui se débat, qui tente de garder sa liberté tout en restant du mieux possible en vie. Dans l'ensemble, le futur de la santé tel que le dépeint la science-fiction n'est jamais très reluisant, mais ce n'est pas a priori ce pourquoi est faite la SF, qui n'est généralement pas là pour nous flatter dans le sens du poil. Quel regard porte aujourd'hui la science-fiction sur la crise en cours et sur l'avenir de la santé en général? On en parle avec Stuart Calvo, qui est directrice de collection aux éditions La Volte, qui a publié l'année dernière l'ouvrage collectif Demain, la santé, auquel a participé le camarade Norbert Merjanian, qui est ici avec nous, et avec également Léo Koutelec, qui est co-auteur de l'ouvrage Le futur de la santé pour une éthique de l'anticipation aux éditions Maison des sciences de l'homme. Parmi les futurs possibles, il y a celui-ci. Je m'appelle Cathy H. J'ai 28 ans. Je passe la plupart de mon temps à regarder, non pas vers l'avenir, mais vers le passé. Et ce que nous avons vécu là-bas. Moi, Tommy et Ruth. Les élèves de Hailsham sont particuliers. Oui, Miss Emily. Vous maintenir en bonne santé et préserver l'intérieur de votre corps est d'une importance primordiale. Aucun de vous ne fera quoi que ce soit à part vivre la vie qui a déjà été planifiée pour lui. Vous deviendrez des adultes, mais seulement pour peu de temps. Et aux alentours de votre troisième don, votre courte vie sera terminée. C'est pour cela que vous avez été créés. À 18 ans, nous avons dû quitter Hailsham. Tommy et Ruth sont restés ensemble pendant la fin de leurs études. J'ai toujours espéré qu'ils allaient se séparer. Ils ne l'ont jamais fait. Vous trois, vous avez déjà une petite expérience du monde extérieur? Oh, une très grande. Non, pas du tout. Et comme boisson? Saint-Goka, s'il vous plaît. S'il y avait un garçon et une fille qu'ils étaient vraiment amoureux et qu'ils pouvaient le prouver, alors ils obtiendraient quelques années pour vivre à deux avant de commencer leur don. Et tu vois, ce qu'il y a, Cathy, c'est que même si Tommy t'aime bien en tant qu'ami, il ne te voit pas comme son amante. Voilà, c'était comme toujours une bande-annonce avec parfois les défauts de la bande-annonce, la musique pas toujours heureuse. Pourtant, le film est vraiment intéressant. Ce film, c'est Never Let Me Go, Auprès de moi toujours en français, de Marc Romanek, d'après le roman de Kazuo Ishiguro, qui raconte, comme vous l'aurez sans doute compris, une histoire où des enfants sont élevés dans une sorte de pensionnat très strict, puisqu'ils vont servir, leur destin est de servir de réservoir à organes plus tard, pour une fois qu'ils auront atteint l'âge adulte, pour de riche malade. C'est l'un des visages finalement d'une pensée eugéniste ou utilitariste du corps humain. Norbert Merjanian, juste une réaction à ce topos qu'on a déjà vu plusieurs fois dans l'histoire de la littérature de la science-fiction, le clone, ou en tout cas voilà, l'élevage, oui, pour organes. Là, en l'occurrence, moi je n'ai pas vu Never Let Me Go, mais la fiction est en deçà de la réalité, puisque le trafic d'organes, il suffit simplement d'aller dans des pays extrêmement pauvres pour trouver des organes donnés, pris sur des enfants, prélevés sur des enfants. Aujourd'hui, et sans avoir besoin de créer un institut, parfois la science-fiction esthétise des réalités qu'on ne veut pas voir aujourd'hui. Mmh. Léo Koutelec, sur ce scénario en particulier? Oui, je partage ce que Norbert vient de dire. Effectivement, c'est l'une des fonctions de la fiction, c'est de, en quelque sorte, mettre en lumière ou surdéterminer des éléments qui sont invisibilisés dans le présent. Je pense qu'ici, on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a une variable et on tire le trait de cette variable pour essayer de la rendre peut-être non souhaitable et ainsi faire de ce scénario l'objet d'une discussion, d'un débat. Je pense que c'est l'une des fonctions de la fiction, oui, effectivement. Stuart Calvo, une réaction à ce scénario? Oui, ben moi, ça, effectivement, ça m'évoque tout de suite, moi, l'ouvrage de Catherine Dufour, Outrage et Rébellion, qui évoque le même sujet d'un pensionnat où sont élevés des jeunes et des enfants pour que leurs organes soient plus tard donnés à des personnes très riches. Et ce qui m'a beaucoup intéressée dans le roman de Catherine, parce que j'ai pas vu Never Let Me Go, moi, c'est la manière dont derrière une révolution va germer au sein du pensionnat, la manière dont le punk, la culture punk va se réinventer donc en l'an 3000 au sein de ce pensionnat qui est quelque part en Asie. Et c'est toute, je crois, la beauté de l'histoire finalement, c'est cette révolution, c'est cette insurrection, c'est la réinvention, la redécouverte de quelque chose qui a peut-être déjà existé, mais qui tout d'un coup nous projette dans un futur très lointain. C'est un roman magnifique, mais voilà, me reste à voir le film. Le film est pas inintéressant, c'est un peu, ça se termine un peu en bluette, mais enfin en tout cas il y a quelques idées assez saisissantes. Charlotte Rampling qui a un rôle de matriarche dans ce pensionnat qui est assez intéressant aussi. Bref, quoi qu'il arrive, en tout cas si je voulais commencer par cela, c'est parce que on tombe très souvent, quand on commence à poser ou à aborder les questions de médecine ou d'évolution de la santé dans le futur, sur en général une dichotomie très forte, c'est-à-dire l'augmentation des inégalités, c'est-à-dire la mise au service pour les plus riches de technologies, d'organes, de moyens dont sont dépourvus les plus pauvres, c'est-à-dire finalement l'augmentation, l'hystérisation de la situation actuelle. Est-ce qu'on peut sortir de ce topos-là ou est-ce que c'est impossible, Norbert Merjanian ? Moi, je pense qu'on en sort globalement. Là où le cyberpunk était extrêmement éclairant pour tout ce qui concernait la révolution informatique et numérique. Aujourd'hui, il y a une nouvelle science-fiction à écrire qui relève plus du biopunk et où les inégalités sont évidemment non seulement présentes, mais elles s'accentuent. Mais où le rapport, où la vraie question, c'est le rapport au vivant et ce que souvent le cyberpunk ne pose pas. Au fond, je pense que c'est les inégalités dont on parle, c'est plutôt enfin la vraie question, c'est plutôt la représentation qu'elle crée dans notre rapport au vivant. Et aujourd'hui, cette représentation est particulièrement, à mon sens, morbide. Et donc, s'il y a quelque chose à créer, à inventer, c'est de refonder un lien au vivant, un rapport au vivant qui soit tout totalement neuf. Pourquoi morbide ? Je donne un exemple tout simple. Il y a encore, dans les années 80, y compris le milieu médical et le milieu scientifique, voyaient le monde bactérien comme un monde ennemi. C'est un monde essentiellement pathogène et après de nombreuses études, on s'est rendu compte que c'était également un monde symbiotique, même vital pour nous, et que c'est des changements de situation, des changements de lien avec les bactéries qui pouvaient rendre des bactéries symbiotiques ou mutualistes pathogènes parfois. Donc notre regard a changé sur les bactéries, n'a pas changé sur les virus. On continue à penser aujourd'hui que les virus sont fondamentalement pathogènes. Il y a évidemment des chercheurs qui travaillent sur le rôle des virus, mais notre regard ne change pas. Et donc il y a un regard de société à faire évoluer par rapport à cela. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que les autorités en général, qu'elles soient économiques, politiques, nous impose une vision de virus qui est particulièrement morbide et qui est tournée vers la peur. On reviendra un peu sur votre regard sur cette crise sanitaire et sur ce qu'elle dit, ou en tout cas comment elle peut dialoguer avec la science-fiction passée ou future. Ce qui est peut-être intéressant, Léo Koutelec, à noter, c'est que on est passé d'une sorte de vision de la santé, alors il y a un certain temps, mais où on s'était dit c'est finalement la fin de la médecine, c'est la fin de la maladie, on va réussir à éradiquer, on a éradiqué la polio, on va éradiquer toutes les maladies et finalement tout le monde va vivre en bonne santé et finalement comme ça on s'éteindra très tard dans notre sommeil, a au contraire aujourd'hui une vision où la maladie est revenue en force, elle est revenue en force dans l'actualité, mais pas uniquement, et où au contraire la projection n'est plus du tout vers un monde qui a aboli la maladie, mais au contraire un monde où la maladie a repris une emprise sur les corps les plus faibles ou les plus soumis par la société, et où seule une petite élite peut se permettre de vivre, encore une fois, comme je le décrivais, dans son espèce de tour d'argent technologique, quoi. Oui, alors il y a plusieurs choses peut-être qu'on peut dire sur ce sujet. D'abord, par rapport à votre première question sur est-ce que nos projections doivent obligatoirement reproduire cette dichotomie entre des très riches capables de se soigner dans des tours d'ivoire et puis une grande masse de la population qui subit et finalement qui est dépourvue de toute dignité. Moi, je pense que ça, c'est une vraie question qui est liée à, finalement au rôle de la fiction et de son caractère performatif ou pas. Est-ce que l'on peut imaginer finalement autre chose que les déterminations qui sont liées au présent. C'est vrai que, voilà, et c'est un peu la même chose pour votre question sur la maladie, c'est-à-dire que comment intellectuellement, par le biais de la fiction, mais ça peut être aussi par le biais de la philosophie ou de la poésie, on peut ouvrir des futurs qui ne soient pas complètement dépendants du mode de pensée ou de la représentation dominante du présent. Et par rapport à ce que disait Norbert, c'est intéressant cette histoire de bactéries et de virus parce que moi je suis assez persuadé que la science contemporaine, elle a une potentialité fictionnelle en elle-même et que finalement la représentation que l'on a de la science habituellement est assez appauvrie par des catégories trop globales, des façons de concevoir la science qui sont vraiment 18e-istes presque. Quoi. C'est-à-dire, vous pensez à quoi exactement quand vous dites que la science a une partie d'elle-même qui est fictionnelle? Ben, disons que dans la diversité scientifique de ce qu'on est capable en fait aujourd'hui de produire comme savoir scientifique, il n'y a pas que... ce que l'on donne à voir finalement dans le tropisme technologique ambiant, c'est-à-dire que par exemple dans le domaine de la santé publique ou de la santé communautaire ou plus globalement hein, même dans le domaine de la recherche biomédicale, tout ne va pas dans le sens de la création d'une santé numérique, dans la création d'une santé hyper technologisée qui serait trustée par les big data. Certes, c'est un courant dominant, et ça, il ne faut pas être naïf, et il y a vraiment ça, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, quel est le rôle de la science-fiction lorsqu'elle ne fait que tracer les traits de ce courant dominant pour essayer de l'amener à ses paradoxes, à son absurdité, et ça c'est un rôle important, un rôle d'alerte, de mise en visibilité. Mais ce que je veux dire par potentialité fictionnelle de la science, c'est que en fait il y a autre chose dans la science, et si on veut bien la voir dans toutes ses dimensions, dans toute sa pluralité, qui pourrait ouvrir des voies et des trajectoires qui sont tout à fait différentes. Voilà. C'est intéressant parce que dans ce que vous mentionnez, ça fait écho à certains des récits qui sont contenus dans le recueil Demain la santé sauf qui peut. Peut-être un mot avant de parler de l'ouvrage, Stuart Calvo, là-dessus, sur l'idée qu'aujourd'hui, toute perspective d'évolution, alors peut-être est-ce d'ailleurs collectif à un mouvement de la science-fiction confronté au réel qui est effectivement relativement dystopique et qui du coup n'envisage plus du tout. On a l'impression qu'il n'existe pas ou peu de récits qui imagineraient finalement une sécurité sociale universelle, l'abolition de la maladie. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que la santé est systématiquement quand même prise dans le sens du retour du pandémique, du retour du pathologique et de l'impossibilité d'une santé universelle, en fait. Alors, c'est marrant parce que lorsque j'ai dit à des camarades de mon master en santé publique que j'intervenais sur la science-fiction et la santé aujourd'hui, ils m'ont dit « donc tu vas imaginer une santé publique sans inégalité sociale de santé, justement ». Et alors oui, effectivement, c'est ce à quoi on aimerait arriver, aboutir, mais c'est vrai que j'imagine que c'est plus compliqué que ça lorsqu'on traite de science-fiction et de santé. Alors, en tout cas, lorsqu'on a lancé l'appel à texte, c'est vrai qu'on est parti du terreau, du terrain de notre environnement présent, en fait. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir justement une santé qu'on présente de plus en plus numérique, sans forcément s'inquiéter de savoir si derrière ça va créer des disparités, si tout le monde peut avoir accès aux outils numériques, derrière qu'est-ce qui se passe si on n'a pas accès aux outils numériques, etc., etc. Donc c'est vrai que je dirais que la problématique de départ, c'était plutôt de savoir à partir de ce qu'on nous donne aujourd'hui, à partir de cette santé numérique notamment, à partir de la casse de l'hôpital, à partir de la souffrance des soignants, à partir aussi d'autres espoirs hein, qui sont le partenariat patient auquel on tient, enfin moi je tiens beaucoup personnellement, à partir de ce qu'évoquait tout à l'heure Léo, la santé communautaire, à partir de tout ça, de toutes ces contradictions, de toutes ces tensions où on en est aujourd'hui et comment on peut avancer, quels sont les outils qu'on peut imaginer pour avancer, comment on y va et surtout aussi quel futur ça peut dessiner. Est-ce que, parce que j'ai lu un article récemment d'Olivia Gross qui est titulaire de la chaire de l'engagement patient à Paris 13. C'est un article qui porte sur les pédagogies des organisateurs communautaires et qui justement posait la manière dont rendre la réalité inacceptable est la première brique, la démarche en fait, une démarche conscientisante finalement pour agir et voir la réalité et agir, faire des choses autrement, voir des choses autrement et imaginer d'autres possibles. C'est intéressant parce que ce texte, donc Demain la santé sauf qui peut, c'est sur le modèle de ce que vous aviez fait avec le précédent ouvrage collectif Demain le travail au bal des actifs. Donc il y a un appel à texte. Le point de départ, alors déjà, avoir choisi la santé, c'était après le travail, c'était naturel, c'était non pas du tout. non, il y a comme je le dis souvent, ça a été très compliqué. J'ai tout de suite proposé la santé en fait parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et en même temps, je me suis tout de suite rétractée derrière. Et donc j'ai proposé d'autres thèmes à Mathias et aux auteurs de La Volte parce qu'en fait, j'étais pas du tout à l'aise sur la santé. Mathias Echenet, pardon, excusez-moi, donc le fondateur des éditions La Volte. C'est vrai que la santé, c'est un thème qui m'est proche, mais en tant que patiente, en tant que née femme, en tant que personne non binaire, en tant que personne atteinte d'une maladie chronique et donc dépendante aux médicaments. Donc c'est vrai que pour moi, la santé, ça représentait beaucoup de choses quand même assez délicates et proches. Et c'est vrai que lorsque j'ai essayé du coup de me rétracter, de proposer d'autres thèmes, certains auteurs, dont Norbert Merjanian ici présent, m'ont dit mais non, la santé, c'est ce qu'on expérimente au quotidien, c'est ce qui nous touche toutes et tous, et donc c'est le thème après le travail qu'il s'agit d'aborder. Norbert Merjanian, justement, pourquoi ça vous paraissait important justement de se saisir de ce thème et de s'en saisir, on va le dire, parce qu'il y a quand même une marque de fabrique à ces anthologies collectives, c'est que ce sont des anthologies très manifestes, très politiques, et il faudra en dire un mot. Il y a tellement de raisons, Nicolas. Je vais essayer d'en prendre juste une ou deux. D'abord parce que pour revenir aussi à notre rapport chacun à la santé. La santé aujourd'hui, c'est sans doute un des enjeux les plus importants dans des sociétés matérialistes qui ne se posent pas ou qui se posent trop peu les grandes questions existentielles. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste à vivre plus longtemps et si possible en sans maladie. Donc la santé se définit d'abord en négatif, c'est-à-dire c'est la non-mort. Et il y a aussi une invisibilisation de la mort collective et c'est la non-maladie. Donc elle permet d'être définie ainsi, elle permet d'être quantifiée. On peut quantifier ça en années de longévité, en années de vie sans maladie. Et donc, on peut avoir des politiques qui sont uniquement tournées vers cette quantification. C'est bien ce qu'on a aujourd'hui dans le traitement de l'épidémie qui nous concerne. Une autre raison, c'est que la science-fiction, c'est aussi une de ses intentions, c'est de sortir de la sidération du présent. Pas simplement voir le futur, mais aussi de sortir de ce qui nous enferme dans le présent. Et une épidémie, par exemple, l'épidémie, c'est le mal de la civilisation, de la cité-état, des sociétés qui ont pratiqué la révolution agricole avec la promiscuité, avec les animaux, etc., etc. Les épidémies n'ont cessé de traverser les grandes civilisations avec des populations très denses, etc., etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les différentes sociétés réagissent à ce mal qui revient sans arrêt. Et de ce point de vue, je pense que quand il y a eu l'idée du recueil, l'idée d'un virus, d'une épidémie, c'est vraiment une tarte à la crème dans la SF. Il y a plein de séries Z qui l'ont traité, etc., etc. Mais au-delà du virus, il y avait qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et évidemment aussi pour des parano que nous sommes, qu'est-ce qu'on est capable d'abandonner pour un peu plus de quantité de santé. Et il me semble à l'heure actuelle qu'on a quand même globalement la réponse. On est capable d'à peu près tout abandonner. Donc pour un dystopiste comme moi, c'est fascinant, c'est désespérant et fascinant. Léo Koutelec, peut-être là-dessus, ce qui est intéressant aussi, c'est que il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui relève un peu d'une forme d'injonction paradoxale, parce que si on peut constater qu'effectivement, pour parler de la situation française, on voit bien à quel point la pandémie actuelle a mis en relief le manque de moyens chroniques, la volonté de transformer des hôpitaux ou la santé publique en une entreprise qui dégage des marges, des bénéfices, ou en tout cas qui arrive à la rentabilité. On voit bien qu'il y a un problème de souffrance des personnels médicaux. Enfin, on voit bien tout ça. On on voit bien aussi ce qui se passe sur le versant financier des jeux, des grands laboratoires. Bref, on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont là, qui sont adressés d'ailleurs par l'actualité. Et en même temps, de la place où je suis en tant que journaliste scientifique qui fait tous les lundis une émission consacrée aux sciences du vivant, on voit aussi que, eh bien, malgré tout cela, l'espérance de vie continue d'augmenter, l'espérance de vie en bonne santé continue d'augmenter à de rares exceptions près que l'on pourra éventuellement évoquer. On voit bien que aujourd'hui la santé est meilleure, qu'elle est nettement meilleure et que même si peut-être il y a une certaine forme de ralentissement qui est très questionnable par ailleurs, finalement le bilan de l'évolution de notre rapport à la santé est quand même globalement très positif. Effectivement, c'est paradoxal. En fait, ça dépend vraiment d'où on parle, d'une part, quand on fait ce genre de bilan. Je crois que on a parlé d'inégalité sociale de santé, hein, c'est Stuart qui a utilisé ce concept-là. Je pense que c'est important que la synthèse que l'on peut faire sur l'état de santé d'une société ou d'un État ne soit pas écrasante des particularités et des singularités, et notamment de singularités de ceux qui sont dans la souffrance ou la vulnérabilité et qui sont invisibles des statistiques. Voilà. Je pense que ça c'est peut-être ce qui, non pas permet de sortir du paradoxe, mais en tout cas de sortir d'une synthèse écrasante qui serait trop englobante et à tel point que finalement on ne voit plus les situations de détresse, de vulnérabilité, de singularité, parce que nous avons derrière des chiffres, des grands chiffres qui sont agrégés et qui globalement donnent une tendance qui peut-être est positive et ça se discute parce que ça dépend des paramètres que l'on agrège précisément. Voilà, donc je dirais qu'il faut garder la complexité du réel, l'intelligence de cette complexité et voir finalement ce à quoi l'on tient. Hein, je pense que ça fait vraiment partie du sujet d'aujourd'hui, du rôle de la science-fiction pour penser les futurs de la santé, c'est finalement de se dire à quoi tenons-nous. C'est-à-dire, par exemple, si l'on dit que l'on souhaite une société sans maladie, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, une société sans maladie? Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Une première réflexion pourrait nous pousser de façon un peu intuitive à dire ben, c'est bien qu'on ait plus de maladies dans la société. Pourquoi? Parce que la maladie, c'est la souffrance, parce que la maladie, c'est le mal, peut-être la mort. Mais en fait, si on pousse ce scénario jusqu'au bout, en fait, on peut tout à fait imaginer une société totalitaire où, en fait, certes, on n'a plus la maladie, mais on n'a plus notre liberté non plus, parce qu'en fait, on a mis en place tellement de dispositifs de prévention, et notamment de prévention en situation asymptomatique, c'est-à-dire dans situation où il n'y a aucun symptôme de maladie qui apparaisse, et on est en amont de ça, hein, sur, par exemple, un repérage génétique. Et ça, ce n'est même pas de la science-fiction, hein, c'est vraiment des choses qu'ils ont dans les tuyaux des laboratoires. Hein. Le diagnostic pré-symptomatique, par exemple, de maladies neurodégénératives, c'est quelque chose qui aujourd'hui se fait. Donc voilà, la question, c'est finalement... Et nous, c'est un peu ce qu'on avait essayé de faire dans les expériences de pensée philosophique que l'on a expérimentées. C'est de penser par sous-détermination, c'est-à-dire d'enlever quelque chose à quoi nous tenons vraiment. Voilà. Si, par exemple, on dit quelle serait la santé ou le futur de la santé de demain sans médecin. Voilà, c'est intéressant de voir ce que ça donne d'un point de vue de l'expérience de pensée que de se mettre dans une situation concrète où finalement le système de santé se passe du médecin. Et là, on verra en faisant ça quelle est l'importance relative du médecin. On verra en quoi le médecin, malgré tout les critiques que l'on peut faire sur sa place dans un système paternaliste par exemple, en fait est indispensable à un système de santé et de soins. Mais ça va en fait nous permettre de nous réinterroger sur ce qu'est un médecin. Effectivement, si un médecin n'est qu'une interface technique entre des données qu'on collecte et des préconisations thérapeutiques algorithmisées, effectivement, ici, le médecin, on peut très bien envisager sa disparition. Par contre, si on voit dans le médecin celui qui est cet universel concret entre des données et des situations singulières, c'est-à-dire celui qui arrive à tenir cet équilibre entre des généralités scientifiques et des cas toujours particuliers qui sont ceux des histoires de vie des patients, donc finalement avoir une capacité interprétative. Alors là, on voit qu'un futur sans médecin, c'est assez problématique. Mmh. C'est intéressant parce que ça fait écho à la nouvelle, on y reviendra, qu'a écrite Norbert Merjanian dans ce recueil Demain la santé. J'aimerais qu'on parle justement un peu du recueil Stuart Calvo, parce que ça a été un appel Actex, vous en avez reçu je crois plus de 250. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous en avez conservé un certain nombre, alors on pourra parler des points de jonction qu'il peut y avoir entre les différentes nouvelles, mais comment est-ce que vous les avez sélectionnés ces textes? Qu'est-ce que vous avez reçu déjà et qu'est-ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous avez laissé de côté? Donc oui, on a sélectionné les textes avec beaucoup de difficultés. Alors c'est vrai que pour repartir en amont, Demain la santé, c'est le premier appel à texte ouvert des éditions La Volte. Habituellement, on procède pas du tout de cette manière-là. Et c'est vrai qu'on a lancé cet appel à texte ouvert où tout le monde, tout un chacun pouvait participer parce qu'on souhaitait rencontrer de nouvelles voix. Et aussi parce que, comme on parlait de la santé, l'idée c'était aussi quelque part politiquement de dire, ben voilà, tout un chacun peut s'exprimer. Faisons œuvre de démocratie littéraire comme on peut faire œuvre de démocratie en santé et ouvrons les textes, ouvrons l'appel à texte à toutes et à tous. Donc effectivement 250 textes, on a eu des choses très diverses et variées, des textes qui étaient toujours très engagés, ça c'était assez frappant, très peu de textes qui portaient pas de textes transhumanistes en fait, parce que moi c'était ma crainte en lançant le recueil, donc même en travaillant l'appel à texte, en essayant vraiment de l'axer sur la norme, sur ce que c'est que le rapport à la norme, sur le dedans et le dehors du système de santé, ça fait écho à ce qu'on évoquait au début de nos échanges. C'est vrai que voilà, j'avais quand même peur de me retrouver avec des textes très très très très froids en quelque sorte. Et finalement, non, on a vraiment eu ce qu'on souhaitait, je pense, donc beaucoup de textes de ce que j'appelle moi de la social science fiction, donc la science-fiction sociale. Et ce qu'on souhaitait, c'était à la fois illustrer une diversité de tons, de voix, parce que les éditions La Volte, c'est ça aussi, c'est une volonté d'expérimentation littéraire. Et c'est vrai que lorsqu'on prend, par exemple, Demain le travail, et là encore plus, je pense, Demain à la santé, que c'est 15 textes, aucun texte ne se ressemble, toutes les voix sont différentes. On a des styles extrêmement variés dans le genre et dans le style d'ailleurs, parce que ça va de la pure science-fiction à quelque chose qui est du merveilleux scientifique, à de la, presque de la fantasy, à de la poésie. Et les styles également sont extrêmement extrêmement différents. On a des auteurs et des autrices qui viennent d'horizons très variés. Et ce qu'on souhaitait aussi, c'était essayer d'illustrer, alors ça c'est compliqué, il faudrait je pense plusieurs tomes, mais illustrer la variété des thèmes que l'on peut trouver lorsque l'on parle de soins et de santé, que ce soit la santé mentale, que ce soit la santé des femmes, que ce soit le point de vue du patient, que ce soit celui du soignant, que ce soit celui du collectif et de la communauté, que ce soit celui de la personne vraiment qui est face à un système écrasant. On a vraiment essayé de trouver toutes les manières possibles et imaginables d'illustrer ce que sont le soin et la santé. Bon, voilà, 15 textes, c'est je pense que c'est pas encore assez, il faudrait un deuxième tome, mais peut-être une prochaine fois. On va continuer à discuter un peu de ces différents thèmes. On va parler également du recueil de Léo Coutelec, et puis on va discuter avec Norbert Merjanian de sa nouvelle, qui est, vous allez voir, une nouvelle assez intéressante sur le rapport précisément que peut avoir le médecin à sa profession et à ce que va devenir sa profession si ça continue comme ça dans les années qui viennent. France Culture. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h40, nous parlons donc des rapports entre santé et science-fiction avec Stuart Calvo, Norbert Merjanian et Léo Coutelec. Alors quand on lit un peu en transversal hein, ce recueil, il y a tout de même des thèmes récurrents, Stuart Calvo. Hein, on a vraiment les laboratoires pharmaceutiques qui sont devenus très gros, qui sont en général pas très sympas, qui œuvrent plutôt pour leur propre intérêt que pour le bien commun. On a une privatisation poussée du système de santé à l'extrême. On l'a dit tout à l'heure, les géants du numérique qui deviennent des nouveaux maîtres de la santé mondiale. Et en face, on retrouve aussi pas mal de retours à une forme de nature ou à des méthodes traditionnelles qui deviennent un peu magiques. Ces lignes-là, elles sont volontaires. Vous les avez vues, vous les avez sélectionnées. Non, mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. En fait, ce qu'on voulait beaucoup travailler au travers du recueil, je crois, justement, par rapport à ce qu'on a pu décrire tout à l'heure, vous parliez de justement d'entreprises pharmaceutiques, du poids du numérique, traitement des données personnelles qui peuvent devenir oppressif et oppressant. Non, ce qui nous intéressait, c'était de travailler, d'explorer la nature du soin, en fait, de ce qui nous relie à l'autre. Et c'est clair qu'il y a des nouvelles qui se font écho dans le recueil, où on va trouver des communautés ou des sociétés qui vont se reconstruire alors que le monde a périclité suite à un désastre climatique ou un désastre démocratique. Et pour autant, on a des communautés qui vont quand même se recréer, exister justement par le lien, par l'attention qui est portée à l'autre. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est comment on continue de faire société alors que le monde part en live, en fait, finalement. Mmh. Qu'est-ce qui nous lie les uns aux autres? Et pour reboucler aussi sur le pourquoi de la santé, tout à l'heure, moi j'avais été très frappée en 2016 par un colloque qui avait été organisé par le Musée de l'Homme et l'INRAP, qui était anthropologie du soin, archéologie de la santé. Et j'avais été stupéfaite parce qu'on remontait comme ça sur, je sais pas, 50 000 ans d'histoire, parce qu'on remontait jusqu'à Néandertal, sur la manière dont les hommes avaient pris soin les uns des autres tout au long de l'histoire, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut faire écho avec des choses qu'on traverse aujourd'hui, et la manière dont finalement les sociétés s'étaient constituées. Les sociétés humaines avaient pris en compte justement se prendre soin au sein de leur organisation. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis demandé de quoi on est capable dans la science-fiction. On en est aujourd'hui, déjà, pour commencer, par rapport à tout ça, où on en est dans l'histoire de l'humanité, par rapport aux soins et à la santé, avec la culture, parce que moi j'ai forcément mon biais culturel, et de quelle manière la science-fiction est capable aujourd'hui de nous éclairer sur la manière dont on construit aujourd'hui une relation de soins à l'autre, et quelle est cette relation de soins. Donc en fait, voilà, c'était au travers du recueil, c'est vrai qu'on va pouvoir effectivement trouver des nouvelles où on a cette dichotomie entre, je dirais, presque le big data, les GAFAM d'un côté, et puis des sociétés qui sont presque des sociétés que j'en parlais dans une interview, mais que ne renierait peut-être pas Philippe Descola, justement, très en lien avec la nature, leur environnement, mais surtout avec le rapport à l'autre. Et c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur d'explorer, vraiment. Norbert Merjanian, un mot peut-être sur De nos corps inveillés viendra la vie éternelle. Vous pouvez nous raconter un peu ce parcours un peu solitaire, un peu mélancolique du docteur Rougiès. Oui, alors c'est un docteur qui dont la tâche essentiellement on se projette à un moment où une grande partie de la médecine se fait par du savoir numérique, et donc il fait de la maintenance, en fait. Il va voir ses patients pour faire de la maintenance sur tous les appareils qu'ils ont pour faire de la prévention, de l'analyse en temps réel de leurs données physiologiques. Et il y a une de ses patientes qui souhaite faire à l'ancienne et qui lui demande un examen clinique, ce que plus personne ne fait, parce que ce serait comme confier à un seul individu l'idée de faire un diagnostic, alors qu'on est extrêmement outillé par toutes les machines et les algorithmes numériques. Mais derrière cela, il y a l'autre, la nouvelle aborde aussi un concept que j'ai appelé l'inveillance, et qui nous renvoie à nous-mêmes. C'est-à-dire, l'inveillance, c'est à la fois une technologie, mais c'est aussi un processus sociétal, on va dire, qui fait une promesse. Et cette promesse, c'est quelle que soit votre condition sociale, votre âge, votre sexe, vos données physiologiques, vos antécédents médicaux, je peux vous calculer, faire un profilage, vous calculez une ligne de conduite et une sorte de ligne idéale pour améliorer votre santé et vous donner toutes les indications, les conseils, etc., etc., à suivre pour tenir cette ligne. Donc, en gros, c'est un passage en pilotage automatique. C'est-à-dire, on passe pour obtenir, toujours avec cette idée de la santé quantifiée dont je parlais tout à l'heure et qui a ses effets, sinon ce ne serait pas de la science-fiction, ce serait de la fantaisie, justement. Mm-hmm. Donc, cette promesse permet d'améliorer la santé quantitative, les données, la durée de vie, etc., etc., mais au prix d'un pilotage automatique. On met une partie de sa vie, de ses comportements, en pilotage automatique. Et derrière cette idée, et voilà une des raisons pour lesquelles la santé me paraissait un sujet pour le recueil de Stuart, c'est que pour cette promesse-là, je pense que beaucoup de gens sont prêts, et nous collectivement, on est prêts on est prêt à accepter les coûts pour cette promesse. Mais derrière cette promesse, il y a aussi l'inveillance sociale, c'est-à-dire à partir du moment où on s'est mis en pilotage automatique pour avoir plus de vie et être en meilleure santé, on est prêt à passer à l'inveillance sociale, c'est-à-dire encore une fois, je vous fais la promesse, quelle que soit votre condition sociale, quel que soit votre métier, quelle que soit votre situation, si vous me donnez toutes les données qui vous concernent, je peux établir un profil qui vous permette d'avoir la meilleure, la meilleure carrière ou la meilleure réussite sociale, et je vous mets en pilotage automatique dans vos comportements sociaux, là encore. C'est-à-dire que derrière cette évolution qui est à la fois technologique et sociétale, il y a un choix clair, à mon sens, qui est vraiment un choix d'autodomestication poussé au maximum par rapport à des enjeux de vie, de liberté, etc. C'est intéressant parce que ça fait évidemment écho à notre situation actuelle, à ce qui est en train de se passer avec cette quarantaine qui n'en finit pas. Complètement. Alors je vais juste faire un point là-dessus. Pour moi, la situation actuelle, c'est, je pense qu'il y a énormément d'auteurs de SF qui ont vécu ça comme une mise en situation. Et pour moi, c'est vraiment un crash test. J'ai l'habitude de prendre en considération le vivant comme bien d'autres, enfin il y a Gauthier Chapelle, Jean-Jacques Dupuis dans Ordre et Désordre qui ont défini le vivant comme étant un mode d'organisation qui, face à un risque fatal, avait la capacité, donc face à une désorganisation, avait la capacité de se réorganiser avec un gain de complexité. Donc un système d'information plus complexe, plus opérant, nouveau, et donc à inventer. C'est une des stratégies du vivant, c'est l'invention, inventer quelque chose de neuf. Et quand on regarde ce que fait notre société confrontée à un risque fatal, même si on peut reparler de la létalité, mais c'est quand même un risque fatal, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire il y a vraiment une régression d'organisation, il y a une régression démocratique, il y a un abandon des libertés fondamentales, on pourrait faire un abandon de la pratique, de l'activité culturelle, on pourrait faire la liste de toutes les régressions, donc on fait exactement le contraire du vivant. Et sous prétexte de défendre la vie, on se met en situation d'être, c'est ce que j'appelais une société morbide, c'est-à-dire qui fait la stratégie de la désorganisation, d'un ordre apparent, mais en réalité d'une désorganisation d'intelligence, en fait. On va vers une moindre intelligence. Moi, j'aurais aimé, je pense que c'est pour nos démocraties, c'est un crash test dont la conclusion est sidérante, c'est-à-dire que la complexité démocratique et donc la diversité démocratique a extrêmement baissé avec cette pandémie, et je pense que c'est un signe des temps futurs. Léo Coutelec, à ce propos et autour de ce concept assez passionnant d'inveillance que vient de décrire Norbert Marjanian. Oui, c'est un beau concept. Moi, j'ai beaucoup aimé cette idée que le système de surveillance numérique ou par les données soit fait finalement quelque chose qui soit porté d'une part par l'individu physiquement, même biologiquement, mais aussi en termes de consentement. C'est vraiment déstabilisant et provoquant. Hein. Cette nouvelle, elle a une part de réalité, je pense, mais en tout cas, elle nous montre que finalement, la société après la société de surveillance, la société de contrôle, peut-être la société de l'inveillance, c'est-à-dire l'auto-contrôle ou l'auto-surveillance par des mécaniques, des mécanismes bioniques, comme il est dit dans la nouvelle. Donc ça c'est intéressant. Après, il y a quelque chose que la nouvelle de Norbert met bien en lumière, c'est l'hégémonie d'une certaine façon de penser le futur qui est la prédiction. Et ça me semble intéressant d'y revenir peut-être une minute. Bien sûr. Cette idée selon laquelle, par les chiffres, par les big data, par la collecte de données systématiques, nous serions capables finalement de prédire des trajectoires, des lignes de conduite, comme il est dit. Moi, je pense que ça, c'est important de le déconstruire, à plusieurs égards. D'une part, de le déconstruire en termes de faisabilité. Lorsque l'on fait ça, lorsque l'on prédit, ce que l'on prédit est toujours un futur appauvri. Par le fait que, d'une part, ce que l'on collecte est toujours une opération d'arbitrage, c'est-à-dire que le choix des données collectées ne sera jamais exhaustif, malgré toutes les dystopies que l'on peut construire là-dessus, tout n'est pas quantifiable. Et d'ailleurs, dans toutes les nouvelles, même les plus dystopiques, c'est-à-dire celles qui dessinent un monde très totalitaire, en fait, on voit toujours qu'il y a des lignes de fuite. Hein. Et ça, c'est intéressant à le relever, c'est-à-dire qu'il y aura toujours quelque chose qui échappera à la prédiction. La prédiction ne peut pas être omnisciente. Ce qu'elle peut être, la prédiction, c'est performatif. C'est-à-dire nous faire croire que le futur qu'elle prédit sera finalement est un futur non pas simplement probable, mais possible. Et ça, si vous voulez, c'est la première vigilance, en fait, un petit peu intellectuelle, mais qui est en fait une vigilance politique, c'est-à-dire de ne pas entretenir la prophétie autorisatrice d'une société de la prédiction. Mmh. Et la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça, et qui est peut-être plus le cœur de notre travail au niveau de nos recherches en philosophie et en éthique de l'anticipation, c'est précisément comment contrebalancer ça en disant qu'en fait, il y a une pluralité de conception de l'anticipation et que ce qui est important, enfin, en tout cas pour moi, n'est pas tant le contenu du futur de la santé, mais la façon dont on peut penser ce futur-là, les conditions de possibilité pour penser ce futur-là. Et la prédiction, c'en est une. C'est une modalité, la modalité hégémonique, et on comprend pourquoi, parce qu'en fait, elle s'arme des chiffres, de la quantification, des probabilités, et donc en quelque sorte de l'illusion quantitativiste. Mais ce n'est pas la seule. Il y a d'autres façons de penser le futur. Que celle-ci, d'autres façons d'anticiper, et la fiction, c'est une autre façon d'anticiper le futur. Mmh. J'aimerais qu'on parle de votre ouvrage, de l'ouvrage collectif auquel vous avez participé, Léo Coutelec, Le futur de la santé, une éthique de l'anticipation. Et ce que vous dites, et d'ailleurs ça prolonge un peu ce que vous venez de nous dire à l'instant, vous dites à propos de cet ouvrage, la santé du futur se résume souvent à commenter les trajectoires technologiques, or réfléchir au futur de la santé n'est pas réfléchir à la santé du futur. Alors outre l'élégance de la formule, réfléchir au futur de la santé, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous avez voulu faire justement à travers cet ouvrage? On pourra revenir peut-être assez rapidement sur le découpage, parce qu'il est question de paradigmes légèrement modifiés, c'est-à-dire qu'on parle de malades sans entourage, de maladies sans symptômes, de médecins sans maladie, c'est-à-dire on est dans une logique du retranchement. Oui, tout à fait. Alors, au niveau de la formule, déjà, effectivement, qui n'est pas qu'une formule, mais qui est une posture vraiment philosophique, l'idée de dire que le futur de la santé n'est pas la santé du futur, c'est l'idée de porter notre attention sur la façon dont on prend soin du futur. Hein, et c'est ce qu'on appelle, nous, une éthique de l'anticipation. Mmh. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, ce qui est important n'est pas tant de discuter, finalement, de ce que sera le futur, la santé dans le futur, mais de la façon dont on peut imaginer le futur de la santé, et notamment comment on peut se défaire finalement de schèmes de pensée qui nous enferment en fait, et qui font que anticiper revient à déterminer en quelque sorte, à fermer. Mmh. Voilà, donc ça c'est important, il me semble-t-il, que de mettre la lumière sur le fait que anticiper n'est pas un acte neutre, et que anticiper est porteur finalement d'une forme de détermination du futur. Mmh. Alors pour ça, effectivement, nous avons utilisé une méthode qui est utilisée en mathématiques, dans les théories de la conception également, et en philosophie, qui s'appelle la méthode par sous-détermination, qui consiste précisément à ne pas jouer d'une logique cumulative, c'est-à-dire en gros on est dans le présent, on analyse assez finement ce qui est dans le présent, puis on rajoute quelque chose. On dit le futur de la santé, c'est finalement la santé du présent plus quelque chose. Alors plus quoi? Ben, plus par exemple, je ne sais pas, le séquençage très haut débit embarqué dans un individu qui lui permettrait d'avoir son génome séquencé en temps réel, d'étudier toutes les mutations génétiques et les conséquences que peuvent avoir ces mutations génétiques sur son comportement, je ne sais quoi. Mais plutôt de dire, par exemple, dans ce cas-là précis, quelle serait la santé du futur sans la génétique ou sans le séquençage au débit, c'est-à-dire enlever quelque chose qui nous paraît en fait être naturel, qu'on a naturalisé, mais en fait qui ne l'est pas, qui est en fait une détermination socio-historique de l'état de la science ou de la technologie à un moment donné. On enlève ça et on regarde en fait ce que ça donne. Donc effectivement, on a construit l'ouvrage avec une série de mini-fictions, alors qui n'ont pas du tout la prétention littéraire des fictions du recueil de La Volte, mais c'est des mini-fictions qui ont pour but de mettre en scène un futur où on a soustrait un élément fondamental. Mmh. Le soin, le médicament, le médecin, l'entourage, le standard ou le protocole de soins, mmh. des choses qui nous pensent être naturelles. Et on a soumis ces mini-fictions qui ont soustrait en fait des éléments importants à des chercheurs, alors des sociologues, des philosophes, des anthropologues, à qui on a donné pour mission de en quelque sorte de commenter cette petite nouvelle, cette petite fiction pour nous montrer les ressorts en fait qu'elle pouvait exprimer sur précisément la place de ce que l'on a enlevé, par exemple le médecin, par exemple le médicament. Mmh. Voilà. Mmh. Donc ça a construit un livre voilà qui finalement a à peu près le même objectif que celui de La Volte, du recueil, c'est-à-dire discuter de notre rapport aux soins, discuter de notre rapport à la santé, mais avec d'autres outils quoi, qui sont plus ceux de la philosophie. Mmh. Pour conclure, parce qu'on arrive malheureusement déjà au terme de cette émission, j'aimerais qu'on fasse un tour de table vraiment très très rapide à travers le prisme du recueil, à travers le prisme de ses écrits et de tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, dans l'état actuel du réel, c'est-à-dire un an après le début de cette pandémie, avec tout ce que l'on sait, des menaces qui planent, de variants plus contagieux, de vaccins qui n'arrivent pas, de l'Organisation mondiale de la santé qui se prépare déjà au prochain virus. Quelle est, à votre avis, la marque que va laisser cette pandémie, justement, sur notre rapport collectif aux soins ou à la santé? Vous avez 3 heures. Non, vous avez 30 secondes, Stuart Calvo. Alors, si je prends mon point de vue, depuis mon point de vue, pardon, c'est une épidémie qui, je l'espère, va permettre à peut-être des solutions alternatives d'émerger dans le système de santé aujourd'hui, qui existent déjà. Je pense, on a parlé encore une fois, mais de la santé communautaire, qui est quelque chose qui me tient à cœur, qui est quelque chose qu'on a évoqué dans le recueil au travers de différentes nouvelles, je pense, comme Les Derniers Possibles de Chloé Chevalier, Barreuse de Faille, d'Elio Possos, où finalement on a des communautés, des populations qui sont vulnérables, qui vont se regrouper pour prendre soin les uns des autres et tenter de pallier aux lacunes du système. Et la place du patient et des associations de patients dont on a beaucoup parlé, Norbert Merjanian, en un mot. En un mot, alors plutôt en deux, je suis gourmand. D'une part, simplement que tout ce qui concerne la santé publique doit être défendu ardemment au lieu d'être aujourd'hui encore démoli. Ça, c'est voilà, le mot de l'engagement. Et puis, un mot très simple. Je pense que cette épidémie est aussi une épidémie de peur et que le vivant est fondé sur le désir. La peur, c'est une stratégie de fuite à court terme. À long terme, nous sommes dans le long terme, il faut retrouver le désir. Léo Coutelec, je suis désolé, on arrive vraiment à la fin, à moins que vous puissiez le dire en 5 secondes ou en 10 secondes. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, on vous réinvitera et on en reparlera. Merci en tout cas beaucoup à tous les trois d'être venus. Demain, La Santé, c'est aux éditions La Volte. Votre ouvrage collectif, Le Futur de la Santé pour une éthique de l'anticipation, c'est aux éditions Maison des Sciences de l'Homme. Un mot très rapide, Norbert Merjanian, vous me dites du projet Colonie en deux mots. Colonie, c'est une performance et du théâtre immersif, une écoute sonore, une fiction sonore qui amène des spectateurs à visiter une colonie abandonnée. C'est avec le metteur en scène et metteur en son Frédéric Delias. Et c'est une création qu'on espère monter au printemps. Voilà. Bon, je suis en train de me faire taper dessus par mon réalisateur, mais c'était Jacques Hubert aujourd'hui, la technique. En un mot, le programme de la semaine prochaine, on vous parle du râteau pneu lundi, du paradoxe de l'information et trou noir mardi, du plan quantique de la France mercredi, de la fabrique de l'ignorance et des rapports entre science et industrie jeudi. Et vendredi, ce sera une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain à 16h, c'est le camarade Étienne Klein, nous on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.